soir, dans un troquet, au comptoir, je me suis installé, juste, juste à ses côtés. Mon verre, il me l'a offert, faire connaissance, rien de plus ordinaire, son amitié, il me l'a donné. Je l'écoutais parler, raconter la vie, ses projets, ses joies, ses envies, avancer plus loin, continuer le chemin. C'était un mec, ma vie idéale, sur sa moto a traversé le voile, il n'a rien dit, il est juste parti. La dernière fois, puis que je l'ai vu, il était vivant à 120%, l'accident m'a surpris, j'ai perdu un ami. Vie idéale, sur sa moto a traversé le voile, il n'a rien dit, il est juste parti.